Parasite, tous les dimanches soirs à 21h, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Au programme, vous retrouverez tous les artistes et les acteurs du hard rock, du thrash, du death et du black metal. De nombreuses nouveautés seront dans l'actualité chaque semaine, ainsi que les découvertes de nouveaux groupes. Les annonces de concerts ainsi que les interviews seront au programme. Oui. Alors n'oubliez pas, le dimanche soir sur Fly FM, Parasite, 21h-23h. Toujours sur le 80 de la bande FM, évidemment, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Évidemment, je l'ai dit dans la bande annonce, je crois. Je crois, je suis pas sûr. Le week-end se passe bien, j'espère pour vous aussi. Et moi, je me suis éclaté, évidemment, je suis un peu fatigué. Alors, j'ai fait une programmation où je vais pas beaucoup parler. Je vais mettre beaucoup de morceaux. Et toujours du métal. Vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de nouveautés dans l'émission Parasite. Jusqu'à 23h en direct sur fayfm.fr, le 89.9. Et puis aussi, la rediff, c'est vendredi soir à partir de 22h. Bonne soirée à tous. Pour commencer l'émission, le groupe japonais Anthem. J'adore. J'adore ce riff. Oh yeah! Et le chanteur, c'est Graham Bonnet, un de mes chanteurs préférés. Oh, c'est parti. Parasite. In this time of prosperity, deeper into your heart, we're all the same, there is no shame, feeling this eye, why are you always hiding, look at the world around you, you find your perfect roses for baby, with the Dans l'émission Parisie, toujours et encore, je suis en pleine forme ce soir. Je vais vous casser les oreilles avec Graham Bonnet, évidemment, le groupe Anthem en 1988. Des petits souvenirs comme ça de temps en temps. Il y a plein de nouveautés dans l'émission et je ne savais pas par quoi commencer, évidemment. Des petits souvenirs avec l'album Hunting Time. C'est une tuerie, vraiment. Allez, on part en Hollande maintenant avec The Last of the Fallen Heroes. C'est le groupe Vengeance. Yeah! C'est bien ça, j'aime bien. Bon, c'est l'émission Parasite, c'est bien. Un petit Anthem avec Graham Bonnet qui a toujours son bonnet, même en été. Et puis à l'instant, évidemment, le groupe hollandais Vengeance. On n'en parle pas beaucoup, hein. On devrait faire une petite story, je sais pas, un C4, on fera une story de Vengeance. Il y a quand même un paquet d'albums que j'ai retéléchargé il n'y a pas très longtemps, j'ai pas acheté des albums, c'est vrai, mais je voulais vous faire écouter ce genre de morceaux. Et puis surtout, peut-être avant la fin de la saison Fly FM 2016-2017, je repasserai des vieux morceaux que j'avais vraiment adorés à l'époque. The Last of the Fallen Heroes, sorti en 1994, c'était un des derniers albums sortis à l'époque pour le groupe Vengeance. Groupe hollandais donc. Ouais. On va continuer l'émission, on va enchaîner tous les morceaux. Vous le savez, la semaine dernière, il y avait le groupe Venin qui était invité à l'émission Parasite. On va les écouter maintenant. Et puis, j'avais passé aussi la semaine dernière un morceau de The Unity. The Unity, c'est le groupe des anciens Gamma Ray, puisque Kay Hansen est parti rejoindre Helloween pour reformer pour une tournée la formation originale de Helloween. Donc on va voir ce que ça donne à Paris, ce sera à la fin de l'année. On en reparlera évidemment à la rentrée. Mais pour l'heure, donc on va se faire un petit enchaînement Venin et juste après The Unity. Ah oui, c'est parti. Le dernier single de Venin, ils étaient hier soir à l'usine à Istres et c'était vraiment fabuleux. Très très bon concert, malgré des problèmes techniques un petit peu, bon, c'est pas bien grave. La nuit des fous, c'était vraiment ça, hein, franchement, avec le groupe Ace en première partie. Oh yeah! Oh my baby! Spécial dédicace pour Sylvie. La coquine! Oh yeah! La nuit le vent du nord se fait des gâteaux. Les fous chantaient partout comme les rats d'un gâteau. Ils avaient la problème, les yeux grands ouverts. sur 89.9. Oh, ça fait du bien. Je sais, j'aime bien gueuler aussi avec les morceaux. Évidemment, toujours dans l'émission Parasite, bien sûr, avec Manu, jusqu'à 23h normalement. N'oubliez pas la rediffusion le vendredi soir si vous avez fait cette émission en direct. Bon, allez, on est dans la musique maintenant. Normalement, tout se passe bien jusqu'à la fin. The Unity, c'est un groupe allemand que j'adore. Et qu'on écoute, qu'on a écouté en fait apparemment. Et hier soir en fait, à l'usine à Istres, il y avait Venin que l'on a écouté auparavant. Et là on écoute un vieux morceau. Mais c'est pas grave, on aime tout ce qui est vieux de Mission Parasite. Le groupe Ace. Ils sont de retour, il faut les voir en concert, ils sont en pleine forme. J'ai adoré, vraiment, je suis fan. Sweet Romance. We'll be right back. sur 89.9. Auparavant dans l'émission Parasite avec ce morceau fabuleux, j'écoute à fond hein, dans le studio, j'adore, j'arrive pas à faire des Larsen, non ça marche, ah si ça marche, ok, et le dernier album de Goldie Tron s'appelle The World Blaze. Auparavant on a eu droit à la reformation quand même du groupe Ace qui était des années 80, premier album en 1986, premier single en 86 aussi, et premier 45 tours en 85. Bad Boys, les Ace étaient parfaits hier soir. Et puis là, on écoute une nouveauté, le nouvel album de Portrait. Le groupe Portrait, j'adore. On l'adore tous. Très progressif, et après ça revient au heavy metal classique que l'on aime, très influencé des années 80. Allez, bonne soirée à tous. Oui. At the Ghost Gate, c'est le nouvel album en fait de Portrait, qui est très inspiré en fait par King Diamond, Mercyful Fate. On entend dans les riffs, hein, vraiment, et même le son est travaillé comme dans les années 80, j'adore évidemment. Nouvel album évidemment de Portrait, c'est le troisième je crois, je vérifie quand même. Portrait en 2008, Crimson Lisa Majestias Divinae en 2011 et Crossroads qui vient de sortir. Eh bien oui, c'est un très bon album, non? C'est pas mal quand même. Allez, petite nouveauté maintenant. Ça s'appelle Sabbath Assembly. Yeah. Sabbath Assembly, une nouveauté Parasite, l'émission Parasite. Voilà, j'aime bien. J'aime bien cette émission. Allez. Le groupe s'appelle Trans. Ils sont allemands. À leur départ, ils copient un petit peu Scorpion, on va dire. Mais ils n'avaient pas une aussi grosse que... Bon, peu importe, en tout cas. Ils seront à Toreil, le festival Verdure. Soyez au rendez-vous au mois de septembre, samedi 9 septembre 2017. En direct, vendredi 22h, rediffusion On a écouté ce morceau vraiment excellent. Thunderbird Rising. Eh oui, l'oiseau renaît de ses cendres. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, j'adore vraiment. In Trance, un groupe allemand qui est de retour et que l'on adore évidemment. On part en live maintenant avec Vandal Plas. Ils sont allemands aussi, hein. Kaiser Sautern est de retour. Let me see your hands. We need you all. Je vais te montrer mes mains, ouais. Bien sûr, toujours et encore. Très très bon groupe progressif. On écoute un extrait du nouvel album en fait en concert. Vous allez pouvoir chanter. Vous connaissez les paroles par cœur. C'est leur tube. Oh, in the sky. I'm searching for Christian we très très bon. Très bon pour la voix. D'ailleurs, ça fait penser que j'ai un autre live qu'elle est derrière. J'ai envie de chanter ce soir. Ça fait du bien. Spécial dédicace pour Francky et Pascal qui nous écoutent sur playfm.fr, évidemment, sur internet. Vous allez pouvoir gueuler ce soir, malgré les voisins. Gros qu'ils soient tous. Bisa, Franck Bodilou, qui nous écoute sur playfm.fr aussi. Vince Desca, évidemment, Vincent. Et les autres qui nous écoutent aussi un petit peu de temps en temps. On écoute le dernier live. Après Vendel Place, on écoute Enslaved. Nous sommes tous des esclaves. De la musique, bien sûr, sur Faith FM.